Il faut bien dire que Pompidou a mis la main dans un engrenage dangereux. C'est lui qui a vendu des Mirages à la Libye. Et cette affaire, bon, l'industrie française de l'armement, et tous les présidents l'ont défendue, ces ventes d'armes ont toujours pesé sur la politique de la France, surtout au Moyen-Orient d'ailleurs, plus qu'en Afrique francophone. Mais en vendant des Mirages à la Libye, qui était une très bonne affaire, parce qu'ensuite le commerce franco-libyen s'est développé fantastiquement, on a vendu des milliers de voitures Peugeot, on a acheté du pétrole à la Libye, et ceci faisait qu'ensuite, dans l'affaire du Tchad, cette amitié qu'a forgé Georges Pompidou avec la Libye, encore une fois toujours pour faire pièce à l'influence anglo-saxonne, puisque les Anglais et les Américains venaient d'être expulsés par Kadhafi, prendre leur place comme on voulait au Biafra, prendre la place des Britanniques. Ensuite, il a fallu se dépêtrer du bourbier libyen, et ça a duré jusqu'à il y a quelques années, quand Kadhafi s'est enfin résigné à faire la paix et à rendre la bande d'Aouzou. Nous voici donc plongés dans l'imbroglio tchadien, pour reprendre l'expression de Guy Pen, conseiller pour les affaires africaines de François Mitterrand, de 1980 à 1986 dans son livre « Mémoire d'Afrique » et en réponse aux questions du même Claude Vautier. De tous les États africains ayant accédé à l'indépendance en 1960, aucun, semble-t-il, n'aura causé autant de soucis à l'ancienne métropole que le Tchad. Écoutons le 30 mai 1994, le premier ministre tchadien, Kasiré Koumakoye, réagir à la restitution à son pays de la bande d'Aouzou, confisquée, si l'on peut dire, depuis 22 ans par son voisin du Nord, la Libye du colonel Kadhafi.